Selon le journal d'Internet sud-coréen Tongil News, le Conseil pan-national pour la réconciliation et la coopération nationale a patronné le 22 octobre à Paju de la province du Gyeonggi, le rendez-vous culturel pour la réunification 2016 où ont participé des habitants de divers milieux. On y a donné lecture de la déclaration qui appelle à réaliser la réunification.